qu'ils avouent que ceci est le grand shirk. Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a dit: le deuxième sujet est qu'ils avouent que ceci est le grand shirk, mais que celui qui devient mécréant en le commettant n'est que celui qui en même temps renie totalement l'islam et traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran de mensonge et adhère au judaïsme ou au christianisme ou une autre religion. Et c'est avec ça que polémiquent les gens du shirk, ahl al-shirk, qui s'entêtent à notre époque. Sache alors que celui qui conçoit bien ce sujet, ça lui suffira pour l'invalider sans avoir besoin d'une preuve particulière, et ceci pour deux raisons. Cette prétention implique que le fait de donner un associé à Allah et d'adorer des idoles n'a en fait aucun effet dans le takfir, vu que lorsqu'un homme passe d'une religion à une autre et traite le prophète et le Coran de menteurs, c'est un mécréant, et ceci même s'il n'adore pas d'idoles, comme c'est le cas des juifs. Alors, si on dit que lorsqu'un homme s'affilie à l'islam, il ne devient pas mécréant lorsqu'il commet le grand shirk, car il est musulman en disant « La ilaha illallah » et en priant et en faisant ci et ça, cela voudrait dire que le shirk et l'adoration des idoles n'ont aucun effet. C'est au pire comme un défaut et un handicap qu'ont certains moutons. Si celui qui le commet se dit musulman, alors c'est un musulman, et s'il se prétend d'une autre religion, alors là, c'est un mécréant. Et ceci est une terrible infamie qui est suffisante pour répliquer à cet avis hideux. Voir dans Ad-Durar Saniya, numéro 9, page 425. Juger mécréant le polythéiste coupable du rang polythéisme est une chose célèbre dans cette communauté. Les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont appliqué le takfir sur plein de gens. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a jugé mécréant les extrémistes. Et les savants qui ont suivi ont jugé mécréant les extrémistes qadarites et d'autres. Comme lorsqu'ils ont jugé les Jahmiya extrémistes de mécréant. Ou lorsqu'ils ont tué Jahd ibn Dirham et le savant Jahm ibn Safwan. Et ceux qui avaient la même opinion que lui. C'était ainsi à chaque siècle et à toutes les époques. En effet, il y a des gens qui ont de la science et qui jugent mécréants ceux qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont jugé mécréants. Ceci en établissant la preuve de leur mécréance. Et ils n'ont pas peur de cela, mais au contraire, le considèrent comme une obligation religieuse et comme un principe islamique. Les quatre imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont emprunté cette voie, ainsi que ceux qui les ont suivis en tout temps et en tout lieu. Ils ont jugé mécréants les hérétiques comme les Qaramites, les Batinites ainsi que les Abidines qui ont dominé l'Égypte. Ils les ont combattus malgré qu'ils construisaient des mosquées, priaient, faisaient l'appel à la prière, prétendaient défendre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Jawzi rahmahullah a écrit un livre sur eux dans lequel il déclara leur apostasie, l'obligation de les combattre et que leur terre est une terre de guerre. Tous les juristes dans tous les livres de droit islamique ont consacré un chapitre concernant les hérétiques dont l'hérésie implique l'apostasie et ont donné majoritairement à ce chapitre le nom de chapitre de l'apostasie. Celui qui devient mécréant après avoir été musulman. Et ils y ont mentionné des choses bien moindres que ce que nous voyons aujourd'hui comme apostasie et ont jugé leur auteur de mécréant, même s'il prie, jeûne et prétend être musulman. Alors qu'est-ce qui empêcherait de juger mécréant celui qui donne des associés à Allah? Ne néglige cela que celui qui ne croit pas en Allah, son messager, ne vénère pas son commandement, n'emprunte pas Allah sa juste valeur, ni son messager, ni même les savants et imams de la communauté. La source dit Al-Shariq, la page 161-164. Il est celui qui a instauré la secte des Jahmiya, extrémistes, qui avait pour croyance que la foi est uniquement la conviction, alors que les gens de la Sunna sont unanimes que la foi est conviction, parole et acte. Jahm ibn Safwan, il est celui qui a instauré la secte Jahmiya, extrémiste, qui avait pour croyance que la foi est uniquement la conviction, alors que les Al-Sunnah ou Al-Jama'a sont unanimes que la foi est conviction, parole et acte.